FSI French Revised Unit 2 Tape 6 Question Drill Allez-vous à l'hôtel ce soir? Où est votre famille? Combien de chambres avez-vous? Déjeunez-vous avec votre famille à 1 heure? Où déjeunez-vous? À quelle heure commence la classe? À quelle heure êtes-vous libre? Avez-vous la monnaie de 100 francs? Avez-vous plusieurs sœurs? Avez-vous plusieurs frères? À quelle heure va-t-on déjeuner? Allez-vous au restaurant? Allez-vous changer de restaurant? Pourquoi allez-vous changer de restaurant? Response drill. Demandez à s'il a des amis ici. Avez-vous des amis ici? Dites que vous avez plusieurs amis. J'ai plusieurs amis. Dites que vous avez un ami français. J'ai un ami français. Dites que votre ami est en vacances. Mon ami est en vacances. Demandez à monsieur s'il a une fiche. Monsieur, avez-vous une fiche? Demandez à monsieur s'il va remplir la fiche. Monsieur, allez-vous remplir la fiche? Demandez à monsieur s'il est seul. Monsieur, êtes-vous seul? Demandez à monsieur s'il est à l'hôtel. Monsieur, êtes-vous à l'hôtel? Demandez à monsieur s'il est libre le soir. Monsieur, êtes-vous libre le soir? Dites que votre chambre est petite, mais très jolie. Ma chambre est petite, mais très jolie. Dites qu'elle vous convient tout à fait. Elle me convient tout à fait. Dites que votre famille n'est pas ici. Ma famille n'est pas ici. Demandez à monsieur où il va déjeuner. Monsieur, où allez-vous déjeuner? Dites que la femme de chambre est très jolie. La femme de chambre est très jolie. Dites-moi comment vous vous appelez. Je m'appelle. Dites que vous allez déjeuner à 1 heure et quart. Je vais déjeuner à 1h15. Demandez à comment il va. Comment allez-vous? Dites que vous allez dans votre chambre. Je vais dans ma chambre. Dites que votre chambre est au premier étage. Ma chambre est au premier étage. Demandez à monsieur s'il a la chambre 12. Monsieur, avez-vous la chambre 12? Dites que vous n'avez pas la monnaie de 20 francs. Je n'ai pas la monnaie de 20 francs. Review drills. Review drill 1. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Je voudrais. Je voudrais une jolie chambre au premier étage. Ils ont. Ils ont une jolie chambre au premier étage. Voici. Voici une jolie chambre au premier étage. Vous avez. Vous avez une jolie chambre au premier étage. Il y a. Il y a une jolie chambre au premier étage. C'est. C'est une jolie chambre au premier étage. Nous avons. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Review drill 2. Avez-vous la monnaie de 100 francs? Avez-vous la monnaie de 100 francs? A-t-il? A-t-il la monnaie de 100 francs? Ont-ils? Ont-ils la monnaie de 100 francs? Voulez-vous? Voulez-vous la monnaie de 100 francs? A-t-elle? A-t-elle la monnaie de 100 francs? Avons-nous? Avons-nous la monnaie de 100 francs? Ont-elles? Ont-elles la monnaie de 100 francs? Avez-vous? Avez-vous la monnaie de 100 francs? Review drill 3. Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Il en a. Il en a plusieurs de libres aujourd'hui. Ils en ont. Ils en ont plusieurs de libres aujourd'hui. Elle en a. Elle en a plusieurs de libres aujourd'hui. Vous en avez. Vous en avez plusieurs de libres aujourd'hui. Nous en avons. Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Review drill 4. Il est à l'hôtel, il a une jolie chambre. Il est à l'hôtel, il a une jolie chambre. Elles sont à l'hôtel. Elles sont à l'hôtel, elles ont une jolie chambre. Nous sommes à l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel, nous avons une jolie chambre. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, j'ai une jolie chambre. Elle est à l'hôtel. Elle est à l'hôtel, elle a une jolie chambre. Ils sont à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel, ils ont une jolie chambre. Vous êtes à l'hôtel. Vous êtes à l'hôtel, vous avez une jolie chambre. Il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel, il a une jolie chambre. Review drill 5. Je ne suis pas libre, j'ai plusieurs choses à faire. Je ne suis pas libre, j'ai plusieurs choses à faire. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous ne sommes pas libres. Nous avons plusieurs choses à faire. Ils ont plusieurs choses à faire. Ils ne sont pas libres. Ils ont plusieurs choses à faire. Elle a plusieurs choses à faire. Elle n'est pas libre. Elle a plusieurs choses à faire. Vous avez plusieurs choses à faire. Vous n'êtes pas libre. Vous avez plusieurs choses à faire. Il a plusieurs choses à faire. Il n'est pas libre. Il a plusieurs choses à faire. Ils ont plusieurs choses à faire. Ils ne sont pas libres. Ils ont plusieurs choses à faire. J'ai plusieurs choses à faire. Je ne suis pas libre. J'ai plusieurs choses à faire. Review drill 6. Tutor. Vous allez dans la chambre? Student. Oui, je vais dans la chambre. Vous avez une chambre? Oui, j'ai une chambre. Vous êtes dans la chambre 12? Oui, je suis dans la chambre 12. Vous avez des bagages? Oui, j'ai des bagages. Vous allez à l'hôtel? Oui, je vais à l'hôtel. Vous êtes à l'hôtel? Oui, je suis à l'hôtel. Vous allez à Paris? Oui, je vais à Paris. Vous êtes au premier étage? Oui, je suis au premier étage. Vous avez des vacances? Oui, j'ai des vacances. Vous allez au restaurant? Oui, je vais au restaurant. Vous êtes au café? Oui, je suis au café. Vous avez des nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles. Review Drill 7. Tutor. Pourquoi sont-ils à l'hôtel? Student. Ils sont à l'hôtel parce qu'ils sont en vacances. Pourquoi est-il à l'hôtel? Il est à l'hôtel parce qu'il est en vacances. Pourquoi suis-je à l'hôtel? Vous êtes à l'hôtel parce que vous êtes en vacances. Pourquoi est-elle à l'hôtel? Elle est à l'hôtel parce qu'elle est en vacances. Pourquoi sont-ils à l'hôtel? Ils sont à l'hôtel parce qu'ils sont en vacances. Pourquoi est-elle à l'hôtel? Elle est à l'hôtel parce qu'elle est en vacances. Pourquoi sont-elle à l'hôtel? Elles sont à l'hôtel parce qu'elles sont en vacances. Pourquoi suis-je à l'hôtel? Vous êtes à l'hôtel parce que vous êtes en vacances. Review Drill 8. Tutor. Vous êtes seul? Student. Oui, je suis seul. Vous êtes à Paris? Oui, je suis à Paris. Vous avez des vacances? Oui, j'ai des vacances. Vous êtes à l'hôtel? Oui, je suis à l'hôtel. L'hôtel est près d'ici? Oui, il est près d'ici. Y a-t-il plusieurs chambres? Oui, il y a plusieurs chambres. Les chambres sont-elles jolies? Oui, elles sont jolies. Avez-vous une jolie chambre? Oui, j'ai une jolie chambre. Review Drill 9. Demandez à monsieur s'il a des vacances. Monsieur, avez-vous des vacances? Demandez à monsieur s'il va en vacances. Monsieur, allez-vous en vacances? Demandez à monsieur s'il est en vacances. Monsieur, êtes-vous en vacances? Demandez à monsieur s'il a la chambre 10. Monsieur, avez-vous la chambre 10? Demandez à monsieur où il va en vacances. Monsieur, où allez-vous en vacances? Demandez à monsieur s'il y a des chambres de libre à l'hôtel. Monsieur, y a-t-il des chambres de libre à l'hôtel? Dites à X que vous avez 5 jours de vacances. J'ai 5 jours de vacances. Demandez-moi si j'ai des nouvelles de ma sœur. Avez-vous des nouvelles de votre sœur? Dites que vous voulez des chambres communicantes. Je voudrais des chambres communicantes. Dites que vous n'allez pas bien. Je ne vais pas bien. Demandez à monsieur s'il va au café ce soir. Monsieur, allez-vous au café ce soir? Dites que vous n'allez pas au café. Je ne vais pas au café. Demandez à monsieur pourquoi il ferme le livre. Monsieur, pourquoi fermez-vous le livre? Demandez à monsieur quelle heure il est. Monsieur, quelle heure est-il? This concludes Unit 2.